Virage sans âme à haute vitesse et course au DRS, c'était le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2025, remporté par Oscar Piastri devant Max Verstappen et Charles Leclerc qui a pris le premier podium Ferrari de la saison. Lando Norris est remonté en 4ème place après une qualification un peu compliquée. George Russell et Kimi Antonelli sont 5ème et 6ème pour des Mercedes fortement frustrés de ce week-end. Lewis Hamilton amplement plus frustré de cette 7ème place, tandis que Carlos Sainz et Alexander Albon enregistrent la première double entrée dans les points de Williams au drapeau à damier, puisque le Grand Prix de Chine c'était une double entrée dans les points suite à 14 000 disqualifications, alors que Isaac Hadjar est remonté en 10ème place. Et sur ce circuit dénué d'âme et qui va à l'encontre de tout bon sens de course automobile, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda n'ont pas été capables de s'éviter au départ, résultant en un double abandon. Mais peut-être ressentez-vous trop mon ressentiment envers le tracé de Jeddah et vous n'êtes pas là pour ça, alors je vous propose de nous intéresser aux meilleures vitesses de pointe du dimanche. Dans un premier temps, un regard du coup sur les meilleures vitesses du dimanche qui seront naturellement à contraster, puisque quand on voit que Isaac Hadjar et Alex Albon ont été les plus rapides de la course, c'est essentiellement parce qu'ils ont passé les trois quarts du Grand Prix dans un train de DRS. Malgré tout, ça dégage une certaine tendance à toujours confirmer des difficultés dans les vitesses de pointe pour les Mercedes et Aston Martin, quelque chose qu'on va confirmer en regardant les meilleures vitesses de pointe des séances de qualification, et on notera également des difficultés chez les Haas, avec Esteban Ocon et Lieberman à 333 km/h au speed trap quand on les compare à d'autres pilotes éliminés comme les Kicksauber qui étaient à 339 et 336 dans cette même zone de détection. Et on note aussi une vitesse de pointe plutôt moyenne chez les McLaren face au Red Bull qui était plutôt en forme ce week-end. Stratégiquement parlant, il n'y avait pas grand-chose de bien original avec les composés les plus tendres de la gamme Pirelli. Enfin, c'est pas vraiment les plus tendres parce que maintenant, il y a un nouveau C6, mais on avait les C3, C4, C5 qui font partie des gammes les plus tendres et on a eu des courses à un seul arrêt, majoritairement en pneu médium puis pneu dur, mais des stratégies inversées pour Lando Norris, Isaac Hadjar, notamment aux avant-postes qui étaient sur des stratégies alternatives pour essayer de remonter, ce qui a plutôt bien marché pour les deux. On notera aussi un très très long relais de Charles Leclerc qui a aussi très bien fonctionné. J'aurais pas grand chose à dire d'extrêmement pertinent, je pense, sur la polémique majeure du week-end. Si ce n'est que ce virage 1 est stupide, on a vu la même chose tout au long du week-end en Formule 2, également les années précédentes, c'est toujours la même avec ce virage 1. Donc très opportuniste de la part de Maximus d'essayer de défendre sa position en gardant beaucoup plus de vitesse que Piastri pour essayer d'espérer avoir un petit peu d'espace à l'intérieur. J'ai tendance à penser que c'est de la course, que Piastri n'avait pas nécessairement à laisser plus de place, et que dans tous les cas, je pense que les deux ont fait ce qu'ils avaient à faire pour défendre leur bien. Et pour le reste, la direction de course a décidé que ça méritait d'être sanctionné. Ils avaient prévenu avant le début du week-end que dépasser ou conserver un avantage à cet endroit-là se traduirait par une pénalité de 10 secondes. Étant donné que c'était le départ, ils ont été un petit peu plus gentils en le pénalisant de seulement 5 secondes. Je n'ai pas aimé le fait que ce soit sanctionné, mais il y a de très bons arguments pour la sanction. Et vous savez que c'est pas mon genre d'essayer à chercher le consensus. Mais pour le coup, je pense qu'on peut vraiment laisser place à l'interprétation, à la double interprétation dans cet événement-là. Mais par contre, ce qui me chagrine un petit peu plus, c'est la manière dont sont pensées ces directives. Il faut être parfaitement devant, avoir la roue avant au niveau du rétroviseur pour pouvoir réclamer un virage ou pas. Enfin, ce sont des choses qui sont dites dans le code de conduite de la direction de course. C'est beaucoup trop bureaucratique à mon sens. Ça enlève tout bon sens sportif. Mais malheureusement, c'est comme ça. Tout comme le fait que j'aurais apprécié et j'apprécierais, je pense que beaucoup seront d'accord, que la direction de course intervienne auprès des équipes en disant « rends la position, sinon on va vous sanctionner de 10 secondes, par exemple. » On part du principe que la direction de course peut sanctionner, mais si on les prévient, la sanction sera plus dure. Donc comme ça, faut un peu obliger les équipes à rendre la place. Malheureusement, l'histoire a fait que les équipes étaient beaucoup trop contestataires à l'époque, et ça crée beaucoup beaucoup plus de conflits qu'autre chose. Et finalement, la direction de course laisse les équipes décider si oui ou non faut rendre la position. Voilà, c'est ainsi. Et je trouve que c'est assez malheureux. Mais pour le coup, je n'ai pas envie de blâmer plus de monde que nécessaire. Je me réserve pour d'autres occasions. Et surtout, ça nous priverait de parler de la course en tant que telle, et plus précisément de la course de chaque pilote. On va commencer par les pilotes McLaren. C'est donc la troisième victoire cette saison pour Oscar Piastri. Cela fait un total donc de 4 victoires pour McLaren en 5 courses. C'est un record pour eux depuis 1998. Une statistique que je trouve assez incroyable pour dire à quel point McLaren revient de très très loin. Avec un très bon envol, Piastri s'est assuré de prendre les commandes de la course, même si c'était des commandes virtuelles, puisque Verstappen les a conservées pendant assez longtemps, démontrant à quel point la position en piste était très importante à cause de l'effet du dirty air. Pour le reste, il a mené un Grand Prix assez solide, très peu d'erreurs et même quasiment aucune. C'était surtout en qualification qu'il avait un petit peu plus de mal à extraire un tour parfait. Et c'est une nouvelle victoire. Il prend les commandes du championnat du monde des pilotes. Ça fait 5 courses. On va s'intéresser au championnat en fin d'émission. Et on va regarder ce qu'il s'est passé du côté du voisin de table, Lando Norris, qui était pour la première fois depuis un moment en bonne forme dans la voiture. Non pas qu'il se sent plus à l'aise, mais il avait un très bon rythme tout au long du week-end. Il était potentiellement le favori pour la pole position et par extension la victoire. Mais c'est un symptomatique visiblement de son disconfort dans la voiture. Dès l'instant qu'il va commencer à chercher un petit peu plus, ce sont les explications de Andrea Stella, il va avoir plus de mal à prévoir le comportement de la MCL39. Et ça s'est traduit par une petite erreur très coûteuse sur le circuit de Jeddah. Et il a eu une remontée en course qui était très compliquée au début. On le voit, son rythme de course en début de Grand Prix, bon, il était en pneu dur, donc naturellement un petit peu plus lent, mais la remontée était un petit peu difficile. Il y a quelque chose qui me surprend un peu avec Norris, c'est des difficultés à remonter un peu dans le peloton. Ça se ressent depuis le début de saison. Enfin, on l'a vu aussi à Bahreïn, en Chine également. Et ça me surprend parce que Norris, habituellement, c'était pas un pilote qui avait un mauvais racecraft, pour parler un peu anglais, ça fait professionnel, mais qui avait une assez bonne vision de course. C'était vraiment, à l'époque, 2020, 21, 22, c'était un petit peu lui qui arrivait toujours à extraire le meilleur résultat possible en allant chercher des positions en piste et tout. Et là, j'ai l'impression qu'il a perdu un petit peu de ça. Alors, ça se comprend dans le fait qu'il a du mal avec ce châssis, mais je trouve ça assez décevant, assez frustrant. Malgré tout, le rythme était bon sur la course, ce qui lui a permis de faire marcher la stratégie inversée, potentiellement du temps perdu contre Hamilton notamment, ce qui me permet de encore une fois en remettre une tartine sur le tracé de Jeddah. Je trouve que foutre une ligne de DRS à cet endroit, c'est n'importe quoi. Avant, la zone de détection était avant le virage et les pilotes se battaient pour ne pas la voir. Maintenant, c'est exactement pareil. C'est juste que c'est en début de ligne droite. Finalement, le problème, est-ce que c'est pas tout simplement le DRS? Je trouve qu'il était un petit peu, qu'il est inutile sur ce circuit. Et je trouve cette situation globalement assez frustrante. Chez Red Bull, on peut être content. On avait une bonne vitesse de pointe comme on l'a vu plus tôt. La machine semblait plutôt bien marcher, même si on se gratouille un peu le cerveau, parce qu'on a du mal à savoir quand la voiture va marcher et quand elle ne va pas marcher. Pour Maximus, ça a été un très bon week-end, encore une fois, avec une bonne qualification, aidé par un petit coup d'aspiration de Yuki Tsunoda au moment opportun, mais même dans tous les cas, avant ça, il avait sorti un très bon tour. Et sur la course, identique, il y avait un excellent rythme avec les pneus médiums en début de course. Et quant à Yuki, ça a été un week-end un petit peu plus compliqué, même si il fait au moins aussi bien que ses prédécesseurs qui étaient en souffrance. Ça reste relativement insuffisant. Des erreurs dans son meilleur tour en Q3 qui lui ont coûté de faire un temps inférieur à son meilleur temps en Q2. On voit une 27.9 sur la Q3, son tour en Q2 c'était une 27.7. Et pour la course, dans l'incident avec Gasly, la direction de course a décidé que c'était un incident de départ. Je suis curieux de savoir ce qui se serait passé si Gasly était un petit peu sorti de la piste et avait évité l'incident. Est-ce que il aurait pu conserver la position ou est-ce qu'il se serait pris aussi 5 secondes? Je sais pas. Je trouve que les situations sont relativement similaires. C'est assez regrettable pour lui, mais cette semaine, Red Bull va lui offrir un petit peu de temps de simulateur consacré rien qu'à lui et lui offrir une petite journée à Silverstone avec la Red Bull de 2023 pour un petit peu mieux travailler avec l'équipe et s'affûter. Parlons chez Ferrari, ça a été une grande, grande révélation ce week-end parce que si encore une fois on a du mal en qualification, le rythme de course était très bon. Enfin, dans une des deux Ferrari, dans l'autre c'était un petit peu plus compliqué, même s'ils sont sur des stratégies relativement différentes avec Leclerc qui a eu un premier relais beaucoup plus long que celui de Hamilton. Il y a pratiquement 4 dixièmes d'écart sur leur meilleur tour en course. On est sur du 45 centièmes d'écart sur le meilleur tour en Q3. Hamilton en grande difficulté, qui a admis qu'il était temps qu'il apprenne à faire avec cette voiture plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour convenir à son style de conduite, avoir quelque chose qui peut le mettre plus en confiance. Mais ça va être un travail assez long et un résultat qui est au final assez décevant quand on est derrière les deux Mercedes, sachant que visiblement, il y avait matière à finir devant ce week-end. Et après deux premières courses relativement en dents de scie, Leclerc a trouvé une très très bonne forme en ce moment et elle est enfin récompensée avec le premier podium, son premier podium de la saison. Chez Mercedes, George Russell était en mesure de jouer la pole position, ça s'est joué à vraiment pas grand chose. En plus, j'aurais été très curieux de voir ce qu'aurait donné son premier tour de Q3 qui semblait très prometteur mais qui a été annulé à cause du drapeau rouge causé par Norris. Malgré tout, c'était une bonne troisième place sur la grille. Malheureusement, en rythme de course, il était incapable de suivre le rythme de Piastri, Verstappen et a finalement subi plutôt celui de Leclerc avec une usure des pneumatiques excessive qui a coûté aux deux pilotes. Andrea Kimi Antonelli, quant à lui, a eu malgré tout un rythme de course plus impressionnant sur la fin de course. Je tiens à le souligner. On a 5 dixièmes d'écart entre Antonelli et Russell. Cette fois la faveur du jeune italien, donc c'est très encourageant pour la suite, même si Russell était beaucoup moins dans une philosophie d'attaque en fin de course, puisque je pense qu'il avait compris qu'une fois que Norris et Leclerc l'avaient passé, il n'y avait plus grand chose à faire à part assurer le résultat. D'ailleurs, à quelques tours de la fin, on l'a entendu s'inquiéter à la radio de ses pneumatiques, a pratiquement demandé un nouvel arrêt avant qu'on puisse le rassurer. Comme je le disais, c'est la première fois cette saison que les deux Williams terminent une course dans le top 10, avec enfin un très bon week-end pour Carlos Sainz, autant en qualif qu'en course. Très rassurant pour lui, qui revient sur ce Grand Prix pour la première fois depuis 2023. Enfin, il avait pris part aux essais libres l'an dernier avant de devoir laisser la place à Oli Berman pour des raisons de gros mal au ventre. Et il a permis de signer un très fort résultat d'équipe en donnant le DRS à Alex Albon en fin de course. Ça a permis de se protéger de Isaac Hadjar, de sa remontée en fin de course. Alex Albon, du coup, qui a profité du cataclysme du départ pour gagner beaucoup de positions et se retrouver juste derrière son coéquipier quand il le fallait, et avec une belle stratégie similaire, du coup, remonter dans les points. Isaac Hadjar n'a pas été pleinement convaincu par son propre tour de qualification. Ça se défend, il avait 2 dixièmes de retard sur son coéquipier. Cependant, en course, il a pris une belle stratégie inversée, comme on l'a vu, et ça lui a permis de faire plein de dépassements et remonter de manière agressive jusqu'à la 10e place. Malheureusement, sans la stratégie commune des Williams pour se protéger, il n'a pas pu remonter plus que cela, mais je pense que très certainement, ça a été son meilleur week-end de cette année. Et c'est quand même dire quelque chose, parce que jusque-là, c'est un excellent début de saison qu'il offre dans une Racing Bulls qui commence un petit peu à marquer le pas par rapport à ce qu'on avait pu voir un petit peu plus tôt cette saison. Regrettable pour Liam Lawson, qui semblait avoir un petit peu retrouvé son mojo avec, pour la première fois, une qualification où il a battu son coéquipier. Mais l'incident du départ l'a forcé à sortir de la piste, lui faisant perdre quelques positions. Et alors qu'il faisait, je trouve, une course assez solide, il s'est pris une pénalité que je trouve excessivement absurde. On l'a vu en direct, il dépassait Jack Doohan, qui était en train de décéder, profitant du DRS. Il a été un petit peu trop large au premier freinage, pourtant le dépassement était déjà complété, mais la direction de course a considéré que c'était une sortie de piste avec laquelle il avait conservé un avantage et lui a donné 10 secondes de pénalité. Comme je l'ai dit en début d'émission, les 10 secondes, c'est ce qui était décidé, mais pour le coup, je pense que c'était vraiment pas nécessaire. Alors on dira oui, la règle, c'est la règle, mais même s'il n'était pas sorti de la piste, il y a un moment, le dépassement était complété bien avant le point de freinage. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment inutile. Dans tous les cas, j'espère que ça lui a donné un petit peu plus de confiance avant de pouvoir attaquer un Grand Prix chiant encore, mais après sera la tournée européenne. Fernando Alonso accumule les 11e places comme il a accumulé les places de vice-champion du monde dans sa carrière. Il est très frustré parce que je pense qu'il a fait un très très bon week-end. Voyant les difficultés de l'Aston Martin, se qualifier 13e, c'était très certainement surclasser sa machine et terminer 11e en course avec une stratégie qu'il a réussi à faire marcher intelligemment. Voilà, c'est regrettable de terminer à juste un petit point, à une place des petits points. Quant à Lance Stroll, comme je l'ai dit la dernière fois et je pense le répéter tout au long de la saison, s'il y a un problème actuellement chez Aston Martin, c'est pas le pilote. Je pense qu'il a fait un boulot tout à fait correct, surtout quand on voit que il était sur la stratégie un peu désespérée parmi ces pilotes qui se sont arrêtés très tardivement, espérant une voiture de sécurité ou on ne sait quoi, avec un dernier relais d'une dizaine de tours avec les pneus médiums. Qui plus est, il s'est illustré pendant la course en réussissant à tenir tête à Max Verstappen pendant quelques tours. Enfin, normalement, il aurait dû s'écarter parce qu'il y avait drapeau bleu, mais bon, quand même, bon boulot à lui. Je pense que dans le même genre, Oliver Berman a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. On se doutait que ce serait un tracé compliqué pour Haas, un petit peu réminiscent de ce qu'était l'Australie avec beaucoup de virages à haute vitesse, là où il souffre le plus. Et malgré un très très beau tour en Q1 qui lui a permis de passer en Q2, la réalité c'est que la voiture ne pouvait pas lui permettre de remonter davantage et aller chercher un meilleur résultat que ce qu'il l'a eu, à savoir une 13e place au drapeau à damier, mais à souligner qu'il peut avoir l'orgueil et la fierté d'avoir à nouveau mis à mal Esteban Ocon, qui est parti 19e, terminé 14e, même si grâce à une stratégie encore une fois désespérée, cette fois-ci il faisait partie de ceux qui se sont arrêtés au tout premier tour et a fait toute la course avec des pneus durs, ce qui explique l'énorme différence de rythme entre les deux pendant le Grand Prix. Ocon a tout de même réussi à terminer pas très loin de Berman. Un mal également ressenti chez les kicks de Bortoleto et Hülkenberg. Gabriel Bortoleto s'arrêtant également au tout premier tour, espérant qu'un miracle puisse le sauver de cette situation désespérée. Mais il a passé la course à se faire dépasser par tout le monde, puisqu'il avait ni la machine ni les pneumatiques, ce qui nous a permis de donner un très beau code marron à son papy manager, Nando L'Alonso. Lorsqu'il se faisait dépasser, il a tenté de se défendre, mais n'a pas regardé ses rétroviseurs. Là, par contre, je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu plus d'enquête entre Bortoleto et Alonso. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il l'envoie dans le mur et que Alonso soit propulsé dans les tribunes et qu'il décède pour que la FIA ouvre une enquête. Mais c'était quand même considérablement dangereux. Il s'est aussi fait surprendre au premier virage en qualification, bénéficiant d'un petit peu d'aspiration. Il est entré trop vite dans le virage 1 et a perdu le contrôle. Mais dans tous les cas, même si son coéquipier aurait pu passer en Q2, on a vu que c'était très compliqué ce week-end. Et je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à dire sur Hülkenberg, qui de son côté a fait une course propre, mais sans grand espoir. Et on va conclure avec les Alpins. Pierre Gasly était en très grande forme avec une 9e place sur la grille. Malheureusement, un accrochage avec Tsunoda a ruiné tous ses espoirs. Et pour la première fois cette année, j'ai trouvé Jack Doohan, enfin je ne l'ai pas trouvé, il était factuellement totalement hors du coup, Mais c'était un petit peu moins le cas le reste du temps. Hein. À Bahreïn, on l'a vu vraiment dans le coup et tout, à se battre. Là, il était vraiment à côté. Il a passé tout le vendredi à essayer de trouver des solutions dans la voiture. Il n'était pas du tout confortable. Et lorsque il a commencé à trouver un peu de confort, il n'y avait pas de performance avec le samedi. Et ça s'est traduit par une 17e place en qualif, 17e place en course. 5 courses se sont écoulées, je pense qu'on peut jeter un petit œil curieux au championnat du monde des pilotes avec Oscar Piastri qui mène 10 points devant Lando Norris et 12 points devant Max Verstappen. George Russell se retrouve un petit peu dans un no man's land à 73 points. Il mène devant Charles Leclerc qui en a 47. Andrea Kimi Antonelli est à une honorable 6e place pour ce qui est sa première saison en Formule 1 pour ce petit enfant de 18 ans. Encore une fois, même s'il a énormément roulé en amont, c'est peut-être même le rookie le mieux préparé en Formule 1. Il a eu une ascension fulgurante, sautant, je le rappelle, la Formule 3, ce qui n'est pas une catégorie ridicule à sauter. Lewis Hamilton, un début de saison plus compliqué avec 31 points en 7e place. Alex Albon qui contribue à faire de cette saison la meilleure saison de Williams depuis 2016 si je ne dis pas de bêtises avec 20 points d'inscrit. Esteban Ocon est 9e avec 14 points et Lance Stroll avec 10 miraculeux points d'inscrit. Au championnat du monde des constructeurs, McLaren est en tête devant Mercedes, Red Bull qui souffre de n'avoir actuellement qu'un seul pilote. On espère que Yuki Tsunoda sera en mesure de redonner un petit peu de panache, tout comme on espère que Ferrari sera en mesure de se redresser et se rapprocher du top 3. Williams mène de quelques points devant Haas, alors que derrière, ça se bat pour de plus petits points avec Aston, Racing Bulls et Alpine. Et je vais vous proposer de conclure avec un petit regard sur le week-end des catégories de promotion qui accompagnent la Formule 1. La course sprint a été remportée par Arvid Lindblad devant Pepe Marti et Alex Dune. Richard Verschoor qui avait terminé premier en piste avait subi une pénalité de 5 secondes, mais il a tout de même pu remporter la course principale le dimanche. Il a terminé 2 fois premier. L'an dernier, il avait aussi terminé premier à la course sprint et avait été disqualifié, ce qui fait que ce pilote a terminé 3 fois premier et a gagné qu'une seule fois à Jeddah. Je noterai également la belle performance de Jack Crawford qui a terminé 2e après avoir mené la course dans son intégralité. Verschoor l'a dépassé en fin de course et Victor Martin est monté sur le podium avec également une belle course en sprint. Au championnat pilote, Verschoor a pris la tête ce week-end devant Pepe Marti et Leonardo Fornaroli, Alex Dune, qui sont tous les trois des petits rookies. Verschoor, je sais qu'on fait un petit peu la blague, il est là depuis un moment, il a toujours été dans des équipes plutôt médiocres, Trident pour ne pas la nommer. Et en F1 Academy, c'est Maya Hug qui a brillé en prenant la 2e place lors du sprint. Je rappelle que cette année, il n'y a plus 2 qualifications comme c'était le cas les années d'avant, il n'y a qu'une seule séance de qualification, une grille inversée comme on fait en F3 et F2. Elle a terminé 2e et a remporté la course principale. Ella Lloyd qui fait ses débuts a remporté la course en grille inversée devant Hug et Alicia Palmowski. On notera également le bon week-end de Dorian Pain, 4e et 3e, même si elle perd la tête du championnat au profit de Maya Hug. Chloe Chambers, quant à elle, avait signé la pole position et termine 2e de la course principale et se rapproche de la tête du championnat en F1 Academy. Et je pense avoir fait le tour des points les plus importants de ce Grand Prix et de ce débrief pilote par pilote. Comme ça, je peux arrêter de parler de ce circuit qui m'horripile et mieux me préparer pour parler d'un prochain tracé qui m'horripile dans 2 semaines. D'ici là, plus de blablaterie, accessoirement historique, à venir dans les prochains jours. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et une heureuse fête de fin d'année à l'écoute de Formule Blabla. Bisous.